Y a quelqu'un? Pardon, j'y vois rien, j'ai oublié de prendre mon chapeau. Drôle d'odeur pour la saison. Encore un coup des écureuils. Matteo, tu t'es moqué de mon Mon immensité nouillesse? monstre spaghetti, c'est vous? Le seul, l'unique, en chair et en sauce. Tu n'as pas cru, Matteo. Tu n'as pas cru. Non, mais c'est pas ça en fait, en fait c'est Karim qui faisait rien que de... Tu n'as pas cru. Tu seras donc cuit. Quoi? Non. Non! Je refuse d'être tué sur un calembour aussi mauvais. Plutôt mourir! La fin est proche. Non, non, La non, pas les fin est pattes! proche. Pas les pattes! Bon appétit! Non, non, pas les pattes! Pas les pattes! Pas les pattes! Va pas falloir que ça dure encore trop longtemps, cette histoire. Épisode 8, vendredi. Le monstre spaghetti a perdu le titre. Désolé. De la voiture de Matteo. Facile à reconnaître à l'oreille, c'est une Clio gris argenté immatriculée BXG8989 fabriquée en 2007. Ah non, c'est qui encore ce... Karim ? Matteo ? Karim, pourrais-tu m'expliquer ce que cette passoire fait sur ta tête ? C'est un acte politique, Matteo. J'honore les pastafariens en portant leur couleur. Et moi, je pense que si la chef te voit comme ça, elle honorera ta mémoire en portant ton scalp. Certes, c'est pourquoi j'ai prévu de l'ôter à mon entrée dans le commissariat. Ça me paraît assez judicieux de ta part. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui m'as laissé ça? Moi? Je suis parti avant toi hier. Puis c'est pas mon genre de te laisser des mots doux, en plus. Lettre anonyme. Sans déconner. C'est écrit, lettre anonyme. Ouais, j'ai un très mauvais pressentiment. Ça m'étonne pas de vous, Razzoni. Ah, vous tombez bien. C'est une première. Mais Diani, que fait cette passoire sur votre bureau? Ah, ça c'est... C'est rien, C'est politique, chef. Faites pas attention. Regardez ça plutôt, c'est une lettre anonyme. Lettre anonyme. C'est une blague Qu'est-ce qu'il n'est pas de nos jours? Je viens de la trouver sur mon bureau. Je vous laisse les honneurs. Voyons ça. La vérité est dans les pâtes. Il faut tout faire bouillir. Bouillir, bouillir, bouillir, bouillir. La véritable parole de Sa Majesté Nouillesque est inconnue. Mais flotte dans le parfum des trois sauces sacrées, bolo, carbo et pesto. Ne restez pas pastif, devenez pastacteur hasta dente. Il va me falloir un café, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un manifeste? Un café bien serré. Un manifeste? Mais un manifeste de quoi? Alors ça... Noir, sans sucre. J'aimerais pouvoir en rire, mais outre le fait que ce n'est pas très drôle, c'est probablement lié à notre histoire de meurtre. Quelqu'un d'autre voudrait un café? C'est vraiment n'importe quoi. Là-dessus, nous sommes d'accord. Non, mais je veux dire, quelle image? Il donne du pastafarisme, c'est censé être une parodie. Un prétexte pour s'amuser. Prendre le contre-pied des religions et de leurs dogmes. Tuer des gens au nom du pastafarisme, ça revient à sacrifier des girafes au nom de Bozo le clown. Pourquoi des girafes? Exactement, tout ça n'a aucun sens. Je crois pas que ça ait jamais eu du sens de tuer des gens, Méziani, quel qu'en soit le prétexte. Oui, mais pas au nom d'une blague, quoi. Méziani, vous êtes pas là pour donner votre avis. Votre boulot, c'est de trouver qui se cache derrière cette sinistre farce. Quelles que soient les raisons que s'invente ce fanatique, il faut l'arrêter avant qu'il aille plus loin et éviter qu'il entraîne d'autres énervés derrière lui. Personne ne suivra un allumé pareil. Bien sûr, de même qu'il ne viendrait à personne, l'idée de massacrer des centaines d'innocents pour s'assurer une place au paradis. Et de toute façon, peu importe. Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes du monde, Meziani. Tout ce qu'on peut faire, c'est passer un coup de balai par terre, en espérant que la maison ne s'effondre pas tout de suite. Ah ouais, c'est réjouissant comme programme. Bienvenue dans la réalité. Il était temps que vous y mettiez les pieds. Maintenant, allez me récupérer votre collègue et ses cafés et essayez de me retrouver l'auteur de cette chose. Oui, j'y vais. À plus tard. Ouais. Ouais, Karim. Petit café ? Non, ça va. Je peux te le boire. Ouais. Je suis déjà à mon troisième. Oh, et puis on va pas gâcher, allez. Ok. C'est quoi le programme alors ? Eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir en apprendre plus sur l'origine de cette lettre anonyme, savoir qui l'a déposée sur ton bureau. Et ensuite, on remonte le fil, on trouve le coupable, on l'arrête, et tout est bien qui finit bien. Voilà. Je savais pas que le café te rendait si optimiste. Maintenant que tu le dis, j'ai toujours des bouffées de positivité entre mon troisième et quatrième café. En revanche, après, en général, c'est la dégringolade. Pourquoi tu t'arrêtes pas au troisième café, alors ? Parce que l'optimisme, ça m'angoisse. Ok. Ensuite, t'as pas un rendez-vous avec la témoin, celle qui te déteste ? Ah ouais, en effet. Ah. Va falloir que j'y aille. Tiens, ça y est, le quatrième café commence à agir. Je sens la pente descendante. Ah. Ouais. Bon, pendant ce temps, tu peux te mettre sur le numéro qui a appelé le GOEC. J'ai pas réussi hier à l'identifier. Tous les pastafariens qu'on a croisés jusqu'à maintenant, c'était plus Gaston Lagaffe que James Bond. Hein. Pas de raison que notre coupable fasse exception à la règle. Sauf que c'est pas un pastafarien. Ah bon ? Je croyais qu'il suffisait de dire qu'on en était un pour le devenir. Vous commencez déjà à mettre des conditions à votre dogme ? C'est pas un dogme, c'est une blague. Pas s'il y a des conditions. Je te préférais trois cafés. Moi aussi. Ok, c'est pas tout ça, mais je suis attendu. Dans un square. Parce qu'apparemment, les ondes y sont meilleures qu'au commissariat. Tu vas l'adorer, celle-là. Ah ouais. Bon, je compte sur toi pour résoudre toutes nos questions d'ici mon retour. Et range-moi cette passoire une bonne fois pour toutes. Ok. Mais je garde mon badge pirate fauve. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Tu devrais pas être déjà parti, toi ? Si. On fait le point après. À tout à l'heure. Voilà. Je constate que la ponctualité n'est pas non plus votre qualité première. Hein. Ah non. Ceci dit, j'interroge pas à l'extérieur en général, Madame Feng Shui. Vous mélangez tout, mon pauvre. Ça n'a rien à voir avec le Feng Shui. C'est un mix de pratiques bouddhistes, de shintoïsme... Oui, ça a l'air passionnant tout ça, mais je suis venu vous parler de choses sérieuses. Bien. Que voulez-vous savoir ? Ce que vous êtes venu raconter à mon collègue, qui n'a malheureusement rien noté. Ce gros lourdeau, ça m'étonne pas. Il m'avait à peine l'air capable de trouver sa chaise de bureau tout seul. Là-dessus, je vous contredirai pas. Donc ? Donc, j'ai été quelque temps pastafarienne. Ah bon ? Seulement les blagues, sur la deux minutes. Tous ces concerts de casseroles, de passoires. Je trouvais ça épuisant. J'ai essayé de cadrer un peu nos réunions, mais... Enfin, bon, disons que ça n'a pas accroché. Je préférais prendre mes distances, ce qu'ils ont très bien compris, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Pardon ? Non, rien, rien. Bon, toujours est-il qu'à l'époque où je les fréquentais, il y avait un homme que je supportais pas. Il se faisait appeler Pastafredo, un agité, toujours à se plaindre. Il comprenait rien à rien. Il voulait de l'action, de l'action. Et je l'ai entendu parler plusieurs fois d'attentats à la bolognaise. Donc forcément, quand j'ai su que vous convoquiez les ravioles de Gamble... Oui, d'ailleurs, comment l'avez-vous appris ? Mais que pensez-vous ? J'ai encore des amis dans le groupe. Vous avez des amis pastafariens ? Bah oui, enfin, amis, c'est ma cousine. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est que cet abruti de Fredo, j'ai jamais pu le sentir. Il se moquait tout le temps de moi. Il disait que j'étais joyeuse comme un matin d'hiver à Dunkerque. Je vous jure, où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Oui, je me le demande bien. Et donc, vous pensez qu'il a pu... Non, franchement, quand je suis venue au commissariat, c'était pour une histoire de vandalisme sans importance. Ouais, enfin, sans importance, c'est une question de point de vue. Je m'imagine très mal devenir vraiment violent. D'ailleurs, personne ne le prenait au sérieux. C'est pour ça qu'il a arrêté de fréquenter le groupe. Il y a quelques semaines, je crois, peu de temps après moi. Bon, évidemment, pas pour les mêmes raisons. Hein. Moi, voyez-vous... Ouais, c'est fascinant. Mais j'aurais besoin de choses concrètes. Hein. Un vrai nom, une adresse, une photo peut-être ? Non, pas de nom, monsieur l'agent. C'est lieutenant ? Non, bah, pas de nom, ni d'adresse, monsieur l'agent. Mais je dois avoir quelques photos sur mon téléphone. Ah, tenez, voilà, le voilà. Avec la perruque en spaghetti, là ? Non. salon, à gauche, avec la passoire sur la tête et la spatule. Ah oui, oui, je vois. Vous pourriez me la transférer ? Oui. Il n'est pas impossible que je vous rappelle, hein, pour les besoins de l'enquête. Bah, espérons que l'on n'en arrive pas là. Reçu. Au revoir, monsieur. Ouais. Au revoir, matin d'hiver à Dunkerque. Hein. Karim ? Ouais, j'ai du nouveau. Enfin, je crois. Toi aussi ? T'as retracé l'appel ? Une cabine téléphonique ? Y en a encore ou ça ? Si, si, ouais, je vois. Attends, c'est pas là où il y a tous les box de stockage ? Ça me fait penser à quelque chose. Bon, écoute, on se retrouve là-bas. Et rapporte les papiers qu'on avait trouvés dans l'appart. Ouais, ouais, à tout de suite. Quand on est dans le flou, rien de tel qu'un terrain vague, disait le poète. Ne me demandez pas lequel. C'est donc dans un terrain vague bordé de box, fin Mitterrand, début Chirac, que nous retrouvons Karim et Matteo. T'as ce que je t'ai demandé ? C'est marrant, on dirait qu'on est dans un film d'espionnage et que je te file des infos super importantes sur un projet top secret dans un endroit désert. Ouais, c'est hilarant. Tu me passes l'enveloppe ? Alors, ah voilà. Il me semblait avoir vu un truc comme ça, B126, allée 12. C'est quoi ? Un numéro de box. J'avais pas fait le lien au début. Comment tu sais ça ? Oh bah j'ai un box juste à côté. A114, allée 4 là-bas. Ah bon ? Qu'est-ce que tu stockes là-dedans ? Le cadavre de mes anciens partenaires. Bon, on y va ? Le cadavre de mes anciens partenaires ? Oh, oh, oh, oh, super marrant, Matteo ! Non, mais sans déconner, qu'est-ce que... Eh, mais attends-moi, Matteo, attends ! Voilà le box. Fermé, évidemment. Ok, il y a un gardiennage ici, normalement. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui puisse l'ouvrir pour nous. Alors, en attendant, fais un tour pour voir s'il n'y a rien d'intéressant par ici. J'en ai pas pour très longtemps. Ok. Et sois prudent, on sait jamais. Oui, maman, je ne parlerai pas aux inconnus, promis. Ouais, tu me fatigues, Karim, hein. Allez, dépêche-toi. Ok. Pas l'air de se passer grand-chose là-dedans. Et retour. Lieutenant Meziani, il fallait un instinct comme le vôtre pour déduire d'un simple cadre de bicyclette rouillé que le tueur était un homme de 46 ans, mesurant 1m84 et qui fumait des gitanes sans filtre depuis juillet 93. Comment diable avez-vous deviné son adresse à partir de la canette de bière qu'il avait laissée sur place ? Élémentaire, mon cher Klaxon, il suffisait de relier les... Mais... Merde ! Super, le grand lieutenant. Qu'est-ce que c'est que... Matteo ! Matteo ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là-bas, derrière le box, il y a une bicyclette rouillée. Derrière, sous la bâche, un cadavre mort. Hein ? Je crois qu'il a des pattes dans la bouche. Quoi ? Un mort cadavre, quick ! Avec des pattes ? On aurait dit... Je vais me sentir mal. Merde ! Où ça ? Là, juste là. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est bien des... Ah, c'est des pattes, là. Tu le reconnais ? Non, je crois pas. Ah, si... Merde ! C'est un des pastafariens. Vladimir, je crois. Eh, c'est putain de jeu de mots. Oh, merde, le pauvre vieux. Même moi, je l'aurais pas souhaité, ça. Attends, il y a un truc à graffer sur... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Hérétique. Et aussi un petit dessin du monstre spaghetti volant. Cuit, cuit, cuit, Razzoni. La ferme, démon pastafarien. Matteo, tu vas bien ? On n'en a pas fini. Monstre spaghetti.